Audiomatique. c'était la formation Liquid Divine et sa pièce Remember Tomorrow, qui se retrouve sur leur premier album intitulé Interface et paru en 2004. C'est ainsi que s'ouvrait la transmission 192 d'Audiomatic pour ensuite se refermer autour de la balise électronique sans pour autant se confiner à un seul style. La transmission d'Audiomatic est un lieu synthétique et symbolique où se retrouvent les électronistes lorsqu'ils perdent tout espoir, et un lieu où la musique devient la trame d'une réclusion et d'une introspection. You think it'd take us? We'll be right back. Audiomatique, nous venons d'entendre le projet Gritalobos et sa pièce Dimethyl Triptamina qu'on retrouve sur son tout nouvel album intitulé Catalaxia. Avant Gritalobos, c'était Saint Vincent, le pseudonyme de l'artiste Anne Erin Clark, de qui nous écoutions la composition Dilatente, qui se trouve sur son troisième album Strange Mercy, paru en 2011. Et au début de cette séquence de trois pièces, c'était la formation Ostra et Angel in Your Eye, tiré de l'album Future Politics. Sans attendre davantage, entamons la prochaine séquence musicale grâce à une collaboration entre les projets Rutoff et Trum. Thank you. à Audiomatic. Cette séquence de deux pièces prenait fin sur la composition MF3 de Wilder Gonzalez Agreda. Vous pouvez avoir cette pièce sur l'album Scala Megahertz, qui est le plus récent de cet artiste péruvien. Et avant Wilder Gonzalez Agreda, nous écoutions la pièce Ignis Lucidus, issue de la collaboration entre le projet russe Rutoff et le projet allemand Trum. D'ailleurs, l'album complet duquel est tirée cette pièce, à savoir Kreuzungswei, Creatura per Creaturam Continetur, met en valeur cette collaboration, cette collaboration entre ces deux projets, les projets Rutoff et Trum, à travers 6 compositions conjointes. C'est maintenant Depeche Mode qui nous accompagne en musique. Hanging on. Feeling with this.

La formation suisse Yellow concluait cette séquence de trois pièces grâce à Tremendous Pain, une composition tirée de l'album Zebra paru en 1994. Avant Yellow, difficile de ne pas reconnaître les mélodies du trompettiste Miles Davis sur fond d'arrangements classiques, rock et électroniques, nous offrant de ce fait une fusion jazz propice à trouver sa place à Audiomatic. La pièce que nous avons entendue, intitulée Red, paraît sur l'album Aura de Miles Davis, qui est sorti en 1989. Et nous amorcions la séquence musicale avec Depeche Mode et la pièce In Your Room, tirée de l'album Songs of Faith and Devotion. La transmission 192 prendra fin ce soir sur une pièce du groupe de Young Gods, à savoir Les Enfants, qui se retrouve sur l'album L'eau rouge, paru en 1989. Les électronistes vous donnent donc rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour entendre en direct la transmission 193 d'Audiomatic. Sachez également qu'il est toujours possible d'écouter les transmissions d'Audiomatic quand bon vous semble en accédant à nos archives à travers nos profils mixcloud.com/audiomatic et facebook.com/audiomatic-CFOU. Donc voici maintenant The Young Gods et la pièce Les Enfants. C'était Audiomatic avec les électronistes. Pour faire résonner la terre.